Exercice 9, page 80. A. Il peut fumer. Transformer. Ils peuvent fumer. B. Il peut brûler. Transformer. Ils peuvent brûler. C. Il peut hurler. Transformer. Ils peuvent hurler. D. Il veut discuter. Transformer. Ils veulent discuter. E. Il veut s'excuser. Transformer. Ils veulent s'excuser. F. Il veut étudier. Transformer. Ils veulent étudier.